Un bon vieux copain qui vient de loin me fait dire hier soir qu'il est venu me voir pour me dire qu'il aime enfin. Il m'a dit le nom de sa grande passion et il me parlait et je l'ai écouté. Il disait qu'elle était très jolie et qu'il l'aimerait pour toute la vie. Il m'a dit le nom de sa grande passion, hein. Moi j'avais eu les larmes aux yeux quand il parlait. Il est parti en me disant adieu. Et j'entends encore les mots qu'il me disait. Mais je ne peux faire pour lui que pleurer. Car l'autre soir, cette femme-là était entre mes bras et me jurait que j'étais son seul amour. Elle m'a dit le nom de sa grande passion. J'avais eu les larmes aux yeux quand il parlait. Et il est parti en me disant adieu. Et j'entends encore les mots qu'il me disait. Mais je ne peux faire pour lui que pleurer. Car l'autre soir, cette femme-là, entre mes bras, elle m'a juré cent fois que j'étais son seul amour. Je savais le nom de sa grande passion. Et c'était la même qui me disait je t'aime. Oui, c'était la même qui me disait je t'aime. Oh, c'était la même qui me disait je t'aime. Oui, c'était la même.